franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Que savait-on? Et si l'on savait, pourquoi a-t-on soutenu aveuglément un homme et une faction coupables des pires crimes de guerre? À moins que les dirigeants politiques européens et les opinions publiques n'aient été victimes d'une sorte d'escroquerie humanitaire. Rappelez-vous ces images, c'était hier. Des milliers de Kosovars, vieillards, femmes, enfants fuyaient en désordre devant la soldatesque de Slobodan Milosevic. Comment ne pas ressentir de la compassion pour ces malheureux, victimes d'une véritable épuration ethnique? Et surtout, comment ne pas prendre fait et cause pour ceux qui les défendaient et affrontaient l'armée serbe, les paramilitaires de Luceka, qui sont devenus aujourd'hui les maîtres du petit Kosovo indépendant? Une attitude qui exigeait, realpolitik oblige, de fermer les yeux sur des aspects bien peu ragoûtants de cette résistance kosovare. Telles étaient donc les questions qui se posaient à la fin du siècle dernier et qui sont malheureusement toujours d'actualité. Car, manifestement, nombreux sont les intérêts qui s'opposent toujours à la manifestation de la vérité. Monsieur X se penche sur ce dossier troublant. Un chiffre d'abord, un chiffre officiel. Selon la mission européenne présente au Kosovo, 1875 personnes ont disparu en 1999-2000, c'est-à-dire pendant la période qui a suivi la défaite des troupes de Milosevic, contraintes de quitter le Kosovo après la violente campagne de bombardement de l'OTAN. Et parmi eux se trouvent un peu plus de 500 Serbes. Alors les autres sont donc des Kosovars? Et aussi quelques Roms. Et que sont devenus ces gens-là? Eh bien, selon toute vraisemblance, ils ont été assassinés par les vainqueurs. Alors, bien sûr, il faut faire la part des vengeances et des règlements de compte inévitables après un conflit. Oui. L'épuration politique contre des personnes accusées d'avoir collaboré avec les Serbes? Par exemple. Mais ça ne suffit pas à expliquer toute cette disparition. Et il faut malheureusement en conclure que les vainqueurs, les membres de l'armée de libération du Kosovo, Luceka, se sont aussi débarrassés de leurs rivaux politiques de l'ALDK, la Ligue démocratique du Kosovo. Et ça, c'était le parti d'Ibrahim Rugova. Un leader historique, mais nationaliste et modéré. Hostile en particulier à la confrontation armée contre la Serbie. Alors, si je comprends bien, il s'agissait donc aussi d'une lutte pour le pouvoir. Et il en est résulté, c'est certain, des combats fratricides. Alors même que les troupes de la KFOR étaient déjà entrées au Kosovo. Ouais, c'est-à-dire les troupes de l'OTAN. Eh ben, elles auraient pu être complices? En tout cas, elles n'ont rien fait pour s'y opposer. À moins que ces soldats et surtout leur chef n'aient rien vu ou rien voulu voir. Mais c'est un point sur lequel je reviendrai. Cependant, il y a encore plus terrible. Et vous en avez certainement entendu parler. Luceka et ses dirigeants ont été accusés d'avoir participé à un trafic d'organes. D'organes humains? En vue de pratiquer des greffes, oui. Ça, c'est excessivement grave. Bien sûr. Alors, avant d'en venir aux faits et aux certitudes qu'on peut exprimer, je vous propose de revenir un petit peu en arrière et de voir d'où vient cette milice paramilitaire dont nous allons beaucoup parler, Luceka. Une organisation radicale. Hein. Essentiellement composée, dès sa création, de jeunes gens et qui est née au début des années 90 au sein d'un mouvement marxiste-léniniste clandestin. Au départ, ses membres ont un objectif, réunir tous les territoires de la Yougoslavie où vivent des citoyens d'origine albanaise. Avec au centre le Kosovo, peuplé majoritairement d'Albanais. Oui, mais il y en avait aussi en Macédoine, en Serbie et au Monténégro. Et politiquement, là? Ces jeunes gens regardent franchement du côté de l'Albanie stalinienne, dirigée d'une main de fer par le dictateur, Enver Hoxha. Ils sont léninistes? Oui, et farouchement nationalistes. Ils optent assez vite pour l'action armée. Et en 1996, pour la première fois, Luceka se signale en perpétrant une série d'attentats à la bombe contre des postes de police serbes. Au Kosovo. Oui, ouais. Mais déjà courent des rumeurs sulfureuses sur cette organisation. Ah, c'est quoi exactement? On l'a dit proche du crime organisé. Elle serait impliquée, entre autres, dans le trafic d'héroïne, ce qui lui permettrait de financer ses activités et surtout ses achats d'armes. Ah, mais vous employez le conditionnel, hein? Bien obligé, car les preuves formelles, matérielles, je veux dire, ne sont pas faciles à réunir. Mais je peux vous assurer que plusieurs services occidentaux, de police et de renseignement, savaient exactement ce qu'il en était à propos du caractère mafieux de Loutcheka. Autre chose, les méthodes violentes préconisées par l'organisation ont fait que les États-Unis, par exemple, l'ont rangé dans la liste des mouvements terroristes. Oui, mais ça ne durera pas. Hein. En effet, parce que Loutcheka saura se rendre indispensable aux yeux des Américains. Enfin, ça, on en reparlera. Auparavant, quelques mots sur l'homme qui incarne Loutcheka et est aujourd'hui l'homme fort du Kosovo, Hashim Tachi. Ouais. Un homme encore jeune, hein? Oui, il a tout juste passé le cap de la quarantaine. Un type costaud, très régulier, plutôt beau gosse. Mmh. D'où vient-il, hein? Tachi est né dans une famille pauvre de la Drenica, une région centrale du Kosovo, qui est aussi le principal foyer du nationalisme albanais de ce territoire. Mmh. Avant d'aller plus loin, il faut peut-être rappeler brièvement ce que représente le Kosovo pour les Serbes. Vous avez raison. Paradoxalement, les Serbes considèrent que le Kosovo, en dépit du fait qu'il est peuplé en majorité d'Albanais, est le berceau de leur nation. Oui, à cause de la fameuse bataille du Champ des Merles. Hein. C'est ça, oui. Kosovo-Polier en serbe. Mmh. Une bataille qui a opposé à la fin du XIVe siècle les Serbes aux troupes ottomanes. Et qui s'est terminée par une défaite serbe. Hein. Certes, et il n'empêche que pour les Serbes, cette bataille perdue est devenue un symbole patriotique. D'où l'importance du Kosovo pour la Serbie. Enfin, revenons à Tachi. Très vite, on lui attribue un sobriquet, le serpent. Pas très flatteur, ça. C'est inquiétant, non? Et au fond, ce surnom ne doit pas lui déplaire. Il y a quand même derrière l'image du traître ou du fourbe. Bon, si vous voulez. Tachi date de la politique lorsqu'il est étudiant dans la principale ville kosovare, Pristina. Ouais, que fait-il, là? De l'agitation anti-serbe. Enfin, très vite, il part pour la Suisse où il rejoint un groupe d'exilés kosovars, dont beaucoup sont originaires comme lui de la Drenica. Mais il ne faut pas s'étonner. Le clanisme est une donnée fondamentale chez les Albanais. Ouais. Et en Suisse, alors quelles sont ses activités? Elles sont essentiellement politiques. Dès cette époque, Tachi devient un cadre important du nationalisme kosovar. D'ailleurs, il sera le cofondateur de Loutcheka, une milice armée qui ne va cesser de monter en puissance dans les années 90. Ouais, et ça va de pair, ça, avec la répression orchestrée par Milosevic. Bien entendu. Ouais. Là encore, le cœur de la rébellion, c'est la Drenica. Ouais. Quand Tachi revient-il chez lui, là? En 1999. Naturellement, c'est alors un clandestin, car il a été condamné par contumace à 22 ans de prison. Sur le terrain, la situation devient alors de plus en plus menaçante. C'est particulièrement évident au tout début de 1999, où un massacre dans un village kosovar va précipiter les événements. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait eu une manipulation et que les soldats serbes aient été poussés à la faute. Ah, mais racontez, hein. À Račak, le nom de ce village, on s'attend alors à tout moment à une offensive de la police et des troupes serbes. Loutcheka décide de l'évacuation de la presque totalité de la population et se replie sur un autre village. Mais la presque totalité, donc il reste des habitants? Oui, une cinquantaine et 15 membres de Loutcheka. Autant de gens qui vont être sacrifiés, car lorsque les Serbes envahissent Račak, ils massacrent tout le monde. Ouais, c'est la chronique, ça, d'un massacre annoncé. Oui, un massacre qui va être médiatisé par Loutcheka. Et vous dites là qu'il y a eu manipulation? J'en suis presque certain, mais il ne faut pas s'étonner, car il y a belle lurette que Tachi entretient des relations privilégiées avec les services secrets occidentaux. Un député suisse, Dick Marty, missionné par le Conseil de l'Europe, a rédigé un rapport accablant sur Loutcheka et Hashim Tachi. On y reviendra avec Monsieur X. Je vous livre quand même ces quelques lignes édifiantes. Les services chargés de la lutte contre le trafic de drogue de 5 pays au moins précisent dans des rapports confidentiels qui s'étendent sur plus de 10 ans que le commerce de l'héroïne et d'autres narcotiques était contrôlé de façon violente par Hashim Tachi et d'autres membres du groupe de Drenica. De même, Les analystes des services de renseignement de l'OTAN, ainsi que ceux de quatre gouvernements étrangers, indépendants au moins, ont fait un constat irréfutable en recueillant des informations sur la période qui a immédiatement suivi le conflit de 1999. Tachi était habituellement défini et désigné dans les rapports des services secrets comme le plus dangereux des parrains de la pègre de Luceca. Tachi et ses autres membres du groupe de Trenitsa sont constamment qualifiés d'acteurs clés dans les rapports des services de renseignement consacrés aux structures de type mafieux de la criminalité organisée du Kosovo. Et quand vous parlez des rapports de Tachil avec des services secrets occidentaux, Il était paru assez tôt que Luceca, malgré ses tares quasi originelles... C'est-à-dire ses attaches mafieuses. C'est ça. Donc il est apparu que cette armée clandestine deviendrait un acteur incontournable dans la destinée du Kosovo. Par conséquent, il était tentant d'en faire une alliée. Un partenaire. Oui, quitte à ne pas renifler les remugles les plus nauséabonds qui en émanaient. Ouais. Donc ces services secrets là, ont essayé d'infiltrer Luceca ou de la manipuler. Ouais. Mais quel service précisément ? Historiquement, les premiers à vraiment s'intéresser à l'organisation de Tachi ont été les Allemands. Ouais, c'est-à-dire le BND. Oui, ce n'est pas très étonnant. Les Allemands ont toujours été tentés de penser que les Balkans constituaient leur chasse gardée en Europe. Ouais, et ça datait de la Seconde Guerre mondiale. Oui, il y a des liens très étroits qui avaient existé entre les Ustachi croates et le Troisième Reich. Ce qui signifie qu'ils étaient plutôt anti-serbes. Donc, il était presque logique qu'ils se servent des Kosovars nationalistes pour renforcer leur influence dans la région. D'autre part, si je vous ai parlé de la présence en Suisse d'un noyau de Luceca, il faut aussi savoir qu'il existait en Allemagne un autre groupe proche de cette organisation. Et concrètement, alors, comment ça s'est traduit avec les Allemands ? Le BND a offert aux militants de Luceca de les entraîner et leur ont fourni des armes de guerre. Kalachnikov et lance-roquettes. Mais d'autres services spéciaux ont aussi manifesté leur intention de donner un coup de main à Luceca. À commencer, bien sûr, par les Américains, qui étaient de plus en plus impliqués dans la crise des Balkans et voulaient être de la partie. Pourtant, m'avez-vous dit, ils avaient rangé Luceca dans la liste des organisations terroristes. Ah oui, mais enfin, ils n'ont pas tardé à changer d'avis quand ils ont, eux aussi, compris que ces nationalistes kosovars pouvaient leur permettre de s'implanter dans une zone où, traditionnellement, c'était les Russes qui étaient les plus influents. Étant donné leur rapport de proximité avec les Serbes. Et les agents de la CIA n'ont pas hésité, pardonnez-moi cette expression triviale, à pousser dans la bordure leurs homologues allemands du BND pour entretenir des rapports privilégiés avec Luceca. Il en est même résulté une sérieuse querelle, car Allemands et Américains n'avaient pas la même lecture des événements. Pas non plus les mêmes intérêts. Excusez-moi d'insister, mais même si vous m'avez donné une partie de la réponse, il faut préciser quand même. Pour les Américains, le Kosovo était une sorte de porte d'entrée vers l'Eurasie, et ils voulaient s'y installer. Ce qu'ils vont réaliser d'ailleurs, puisqu'ils y créeront l'une de leurs plus grandes bases à l'étranger. Il y avait aussi pour Washington la volonté de donner une raison d'exister à l'OTAN. Oui, après la fin de la compétition Est-Ouest. Exactement. En principe, l'OTAN n'avait plus de raison d'être. Mais les Américains ne voulaient pas renoncer à cette alliance militaire qui était tout entière à leur dévotion. Et ils ont vu dans la cause kosovare un bon prétexte pour faire intervenir et donc exister l'OTAN. Ouais, des travaux pratiques en somme. Enfin, je peux aussi vous dire qu'aux États-Unis, une puissante minorité albanaise proche des démocrates a pesé de tout son poids auprès de la Maison-Blanche pour qu'elle soutienne les nationalistes du Kosovo. Mais, et là je vais sans doute vous étonner, nos services de renseignement ont aussi flirté avec Tachi. La DGSE ? Exactement. Nos espions avaient repéré depuis longtemps Tachi. Certains ont même prétendu que le leader de Luceca était un agent français. Et votre avis, là ? Agent, ça me semble pas vraisemblable. Honorable correspondant, plus probablement. Un officier traitant était même chargé de suivre Tachi. Un homme qui est depuis devenu député européen et a gardé les meilleures relations avec lui et le défend en toute occasion. Malgré la trouble réputation de Tachi. C'est la vérité. En tout cas, vous avez compris qu'il existait autour de Tachi et de Luceca un véritable filet de protection. Ouais, intouchable. C'est à peu près ça. Et on s'en rend compte de façon assez spectaculaire lors de la conférence de Rambouillet en février 1999. Cette rencontre internationale est décidée après la révélation du massacre de Račak. Ouais. Il s'agit alors, à Rambouillet, de faire plier Milosevic. Mais le dirigeant serbe ne cédera à rien. Bien au contraire, Il lancera ses troupes dans une nouvelle et terrible offensive qui provoquera un exode massif des Kosovars. Ouais, ces images qui choqueront le monde entier. Et qui décideront les Occidentaux à entamer leur campagne de bombardement de la Serbie à partir de la fin mars. Mais je reviens à cette conférence de Rambouillet. C'est le modéré, Ibrahim Rugova, qui représente les Kosovars. Metachi est là, lui aussi, avec sa garde rapprochée et avec l'assentiment de la secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright. Il s'invite d'autorité à la table des négociations. Désormais, il faudra compter avec lui et son armée clandestine. Alors, il est peut-être temps maintenant d'en venir à ces accusations-là que vous évoquiez. Oui, j'y viens. Mais il faut d'abord comprendre que dès la capitulation de Milosevic en juin 1999 et le reflux des soldats serbes qui se trouvaient au Kosovo, Luceka va pratiquement avoir carte blanche pour faire le ménage à sa façon. Mmh, d'accord, mais l'OTAN envoie très vite des militaires sur le terrain. La KFOR, oui, et le pays va être placé sous l'autorité administrative d'une mission des Nations Unies, la MINUC. Il sera placé, au moins dans un premier temps, sous l'autorité de Bernard Kouchner. Hein. Mais autant la KFOR que la MINUC ont besoin de Luceka qui s'est imposé et s'affirme comme la force politique incontournable du nouveau Kosovo. Vous semblez dire là que ces deux entités internationales, la KFOR et la MINUC, là, ont fermé les yeux. Elles ont privilégié la stabilité et le processus de paix, en tout cas. Il faut bien reconnaître qu'elles n'ont pu empêcher les exactions perpétrées par Luceka, qui a liquidé non seulement les gens considérés comme des collabos, mais aussi des rivaux politiques appartenant au parti de Rugova. Et ça a duré au moins jusqu'à l'automne 1999. Et rien n'a filtré ? À l'époque, non. Et la vérité ne se fera jour que très lentement au cours des années 2000. Mais le véritable choc se produit en 2011, avec la publication du rapport Marty. Cependant, avant même la révélation de ce document commandé par le Conseil de l'Europe, de vilaines rumeurs couraient au Kosovo. Et de quoi s'agissait-il alors ? De l'existence de plusieurs centres de détention situés en territoire albanais où Luceka aurait détenu illégalement des prisonniers serbes, mais aussi des adversaires politiques. Mais plus grave encore, on se serait livré dans ces prisons clandestines à des trafics d'organes. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Dans le numéro de janvier 2011 du Monde diplomatique, Jean-Arnaud Derains rencontre d'un livre de Carla Del Ponte, ancienne procureure du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Dans son livre, Madame Del Ponte explique le mur auquel elle s'est heurtée lorsqu'elle a essayé à partir de 2000 de mener des enquêtes sur les crimes supposés de Luceka, citant nommément le chef de la mission de l'ONU, M. Bernard Kouchner, ainsi que le général français Valentin, alors commandant en chef de la KFOR. Pour tenter d'expliquer ce blocage, elle écrit « Je suis certaine que les responsables de la MINUC et même de la KFOR craignaient pour leur vie et pour la vie des membres de leur mission. » Plus loin, elle ajoute « Dans l'esprit de la MINUC et de la KFOR, M. Hachim Tachi et l'ancien chef militaire de Luceka, M. Agim Tchekou, ne représentaient pas uniquement un danger pour la sécurité de leur personnel et l'accomplissement de leur mission, ils mettaient en péril tout l'édifice du processus de paix dans les Balkans. Le premier à évoquer un trafic d'organes dès 2002 est un journaliste américain, Michael Montgomery, un spécialiste des Balkans. Il a interrogé des hommes qui ont été prisonniers dans ces centres de détention clandestins. Et certains lui ont parlé d'une mystérieuse maison jaune située près de Burel, en Albanie. En Albanie, hein, c'est-à-dire hors du Kosovo. Ouais. Et cette maison jaune, là, serait l'une de ces prisons ? Oui, les gardiens, des hommes de Luceka, y auraient exécuté des prisonniers afin de s'emparer de leurs organes et de les vendre à des malades étrangers en attente de greffe. Le journaliste rend compte de ces informations aux responsables de la MINUC, qui à leur tour les communiquent au tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Ouais, conséquence ? Des enquêteurs décident d'aller voir sur place, en présence d'un membre du parquet albanais. Dans cette maison jaune, ils découvrent des résidus de sang, des seringues, des bouteilles vides de médicaments. Ouais, troublant ça, hein ? Et ça aurait mérité de vraies investigations par des experts de la police technique et scientifique, oui. Pourtant, rien ne sera fait. Pire même, dans l'année qui a suivi ce déplacement, les quelques éléments matériels saisis sur place ont été détruits à La Haye. Détruits, mais comment vous expliquez ça ? Même sans être exagérément soupçonneux, on ne peut que s'interroger et se poser la question. Qui avait intérêt à ce que ces éléments de preuve disparaissent ? D'ailleurs, le procureur du tribunal pénal international, Carla Del Ponte, n'a découvert cet épisode que beaucoup plus tard. Après la destruction, donc. Et une destruction qui n'aurait pu être ordonnée que par une décision de justice. Notons, car cela va dans le même sens, que le représentant du parquet albanais, interrogé par la suite, s'empressera d'affirmer que les indices retrouvés dans la maison jaune étaient sans importance. Ouais, il y a donc une volonté manifeste d'étouffer. Ça me semble évident. Alors, poursuivons. En novembre 2008, un jeune homme turc perd connaissance à l'aéroport de Pristina. Pris en charge par la police, on découvre au bas de son dos et sur son flanc droit une longue cicatrice rougeâtre. Ce jeune homme vient de se faire retirer un rein, ou plutôt, il a vendu l'un de ses reins. C'est un commerce parfaitement illégal. Et c'est ainsi que la justice, qui est encore sous le contrôle des autorités internationales de la MINUC, mène une enquête qui conduit la police dans une clinique proche de Pristina. La clinique Medicus. Son propriétaire est un certain docteur Dervishi, qui se trouve être le beau-frère de l'un des personnages éminents de Luceka, Azem Silla. Silla, le propre oncle de Hashim Tachi. Mais Dervishi, médecin et politicien, est aussi l'un des amis les plus proches de Tachi. Tout ça est très, très gênant. Oui, car on s'aperçoit que plusieurs autres dirigeants de premier plan de Luceka, ou plutôt du PDK, le parti issu de l'ancienne armée secrète, sont aussi compromis dans ce réseau de trafiquants d'organes organisé à partir de cette clinique Medicus. Un réseau qui gagnait beaucoup d'argent. Un rein, par exemple, acheté entre 15 000 et 30 000 euros à un malheureux originaire de Turquie ou d'Europe centrale, pouvait être revendu jusqu'à 120 000 euros. Ah oui, c'est colossal, le bénéfice, là. Et les clients ? Des Occidentaux, en général, et pas mal d'Israéliens avec lesquels le docteur Dervishi avait de nombreux contacts. Et quand on découvre alors ce commerce clandestin d'organes humains, fait-on rapport avec les soupçons de trafic d'organes dans les prisons de Luceka ? C'est tentant. Et justement, d'après certains témoins, le docteur Dervishi aurait été aperçu dans les parages de la Maison Jaune. Donc les deux affaires pourraient être liées. Et ce sera la conviction de ce député suisse, Dick Marty, qui l'écrira dans son rapport. Auparavant, quelques autres informations sur cette affaire de la clinique Medicus. Si le docteur Dervishi semblait bien diriger l'établissement, il n'en était apparemment pas le propriétaire, qui était en réalité un urologue allemand réputé. Curieusement, ce médecin ne sera ni inquiété, ni même seulement interrogé. D'autre part, le réseau fonctionnait avec des correspondants étrangers, un chirurgien israélien et l'un de ses confrères turcs, le docteur Vautour. Mais vous plaisantez là ? Pas du tout. C'est le surnom que lui ont donné ses compatriotes. Mais certains l'appellent aussi le docteur Frankenstein. Ah, c'est très joli. Chez lui, il a été arrêté pas moins de 6 fois, mais à chaque fois, il s'en est sorti. Cependant, il a été à nouveau appréhendé. et il risque 171 années de prison. Dans son pays, ouais. Où il sera jugé puisque la Turquie n'extrade pas ses nationaux. Et c'est bien embêtant parce qu'il sera impossible de faire la connexion avec l'affaire Milicus et même le trafic d'organes qui aurait existé préalablement. Alors, le rapport Marty maintenant ? Oui, oui. Eh bien, un mot sur l'homme, sur lui-même. Dick Marty est un député libéral suisse. C'est lui déjà qui, en 2006, a mené une enquête sur les prisons secrètes de la CIA, toujours à la requête du Conseil de l'Europe. Ah ben, c'est un homme expérimenté. Hein. Et un homme sensé, certainement pas un provocateur. Dès qu'il est officiellement missionné, Marty enquête. Comment procède-t-il ? Ce parlementaire commence par recueillir des dizaines de témoignages. Des combattants, des victimes, des familles de personnes disparues. Et bien sûr, il interroge aussi les personnels des agences humanitaires. Et au passage, lui et les gens qui travaillent pour lui constatent que ces témoins craignent souvent pour leur vie. Donc, ils prennent la précaution de procéder, via des intermédiaires, à des enregistrements audio et vidéo. Et la conclusion, alors, de ce député suisse-là ? Dans son rapport définitif, remis en janvier 2011, il commence par rappeler un fait. Luceka était sur le terrain l'allié de fait de l'OTAN. Car durant le conflit armé, les opérations terrestres étaient conduites par Luceka, pendant que l'OTAN limitait son action aux frappes aériennes. Ensuite, il confirme l'existence d'un trafic d'organes sur des prisonniers serbes à l'été 1999. Enfin, il écrit ceci, je cite à peu près, « Bien qu'il y ait déjà eu des indices concrets de l'existence de tel trafic au début de la décennie, les autorités internationales en charge de la région n'ont pas estimé nécessaire de procéder à un examen approfondi de ces circonstances, où elles l'ont fait d'une façon incomplète et superficielle. » C'est donc une condamnation de la MINUC en particulier. En effet, car Marty estime que la communauté internationale avait connaissance des activités criminelles des principaux chefs de l'OTCK. Comment est reçu ce rapport là ? Très mal du côté des anciens de l'OTCK et de tous ceux qui ont misé sur eux et les ont soutenus. Et ces anciens de l'OTCK, dont Dacci, sont maintenant les dirigeants du Kosovo. Et Marty est donc accusé pêle-mêle d'être anti-américain, anti-albanais et surtout d'être opposé à l'indépendance du Kosovo. Et c'est vrai ? Ce qui est sûr, c'est que par le passé, Marty avait critiqué, pour des raisons juridiques, la déclaration d'indépendance du Kosovo. Enfin, passons. Personnellement, Hashim Thaçi a-t-il commenté ce rapport qui le mettait gravement en cause ? Il a bien sûr nié avec la plus grande énergie. Ouais, ça, c'était prévisible. Évidemment. Mais ce qui gênait surtout, c'était que Marty révélait l'aveuglement des autorités internationales à l'égard de Thaçi et des siens. Aveuglement ou connivence ? Il est clair que les gens de la MINUC n'ont pas voulu savoir. Mieux, dans certaines occasions, ils ont mis fin à des enquêtes sur les dirigeants kosovars et à leurs liens avec le crime organisé. Et aujourd'hui ? En 2008, la MINUC a cédé la place à une autre entité internationale, l'ELEX, forte de 3000 agents et créée dans le cadre de l'OSCE, l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe. Elle a pour objectif d'aider les autorités kosovares au renforcement de l'état de droit et elle dispose d'un mandat spécial pour enquêter et juger les crimes de guerre. C'est donc l'ELEX qui a pris en charge l'affaire de la clinique Medicus. A noter que c'est un général français qui dirige cette organisation. Mais l'ELEX peut-elle faire la lumière sur toutes ces activités criminelles que vous avez évoquées ? Elle en a les moyens, c'est certain. Et pour autant, le veut-elle ? Ça, c'est autre chose. On trouve dans son entourage des gens qui ont autrefois entretenu des rapports avec l'ancien service secret de l'OTCK, compromis dans ses affaires. Et le procureur, un Américain, était à la tête du ministère de la Justice au début des années 2000. Et on ne peut pas dire qu'il ait fait preuve d'une grande détermination. Autre interrogation. Une action efficace exigerait aussi que les témoins éventuels, tous ces hommes qui hésitent à parler, soient protégés. Or, une affaire récente semble démontrer le contraire. Quoi ? Un certain Zogaï se déclarait prêt à témoigner contre un ancien ministre, l'un des commandants les plus éminents de l'OTCK. Ayant fait l'objet de plusieurs tentatives de meurtre, il était réfugié en Allemagne, et en principe, il était protégé. Mais à l'automne dernier, Zogaï a été retrouvé pendu dans un parc de la ville de Duisbourg. Un très curieux suicide. à samedi prochain sur franceinter.com. En principe, vous pourrez réécouter cette émission. Rebecca Denant et Pierre Firsion ont préparé ce programme qui a été réalisé par Michel Billoux et auquel M. Joub a ajouté quelques toutes petites notes de musique. Et tout de suite, après le flash, on va se balader sur Au-devant d'amour de Denis Chessou.